إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، donc dans le dernier cours, alhamdulillah, on a clôturé certains points qui concernent la salat. Et certains, ou plutôt beaucoup, n'ont pas été évoqués par l'auteur, Hafizahullah Ta'ala, des choses qui se rapportent à la salat. Et Inch'Allah, on va citer quelques-unes qui sont toujours importantes à connaître. Awalen, ça c'est des choses que Cheikh Abdel Rakib a rajouté dans son livre. Et on va pas toutes les lire non plus, certaines. D'accord, certaines, car faut pas oublier que le livre à la base a été fait pour que l'enfant ou le débutant ait certains repères. Car il y a des choses qu'il ne va peut-être pas forcément comprendre si on dit tout d'un coup. Naam. Donc déjà, Wujub al-Salat, il est cité Sutra. Qu'il est obligatoire de faire la salat vers le Sutra, une chose que tu mets devant toi. Comme a dit dans le hadith Ibn Omar, radiallahu anhuma, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فتقاتله فإن معه القرين رأوا ابن خزيمة sur ابن عمر que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que de ne faire salat que avec une sutra, c'est une chose devant toi, entre toi et ta salat. Et tu ne laisses personne passer devant toi, entre toi et ta sutra. Et si quelqu'un essaie de passer et qu'il insiste, alors combat-le, dans le sens repousse-le, même s'il faut être violent, car avec lui, c'est un shaitan qui le pousse à agir de la sorte. Donc la sutra est une chose qui est obligatoire dans la salat, selon la vie au plus authentique des ulama. Également, il faut une chose à savoir, qu'il ne faut pas passer devant celui qui fait la salat. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ma'alehi, l'antavara arba'in. Mutafakun alayhi. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il y avait celui qui passe devant celui qui fait la salat, savait ce qu'il encourait, on va dire, comme péché, il attendrait 40. Et le rapporteur dit, je ne sais pas s'il a dit 40 ans, ou 40 mois, ou 40 jours, ou 40 heures. À la kulline, celui qui fait la salat, il ne faut pas passer devant lui. Cela est interdit. Une chose aussi, il y a ni lors de la salat, lors du sujoud, sur laquelle beaucoup se trompent, c'est la façon de mettre les mains. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an-nabi Humayd fa'idha sajada wada'a yadayhi ghayr muftarish wa la qabadahuma wastaqbala bi at-tarafi asabi' rijlayhi al-qibla muttafaqun alayhi. Obel Raoul Bukhari. Sur le Bukhari, ou plutôt selon Abu Humayd, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait de lui dans sa salat, Abu Humayd, que lorsqu'il se prosternait, il posait ses mains au sol, c'est-à-dire sans étaler ses avant-bras sur le sol à la manière du chien. C'est-à-dire juste les mains, les paumes des mains. Et il ne les fermait pas, c'est-à-dire les mains sont ouvertes, étalées au sol, et non pas renfermées ou à moitié comme des poings. Elles sont étalées totalement sur le sol. Et qu'il, avec le bout de ses orteils des pieds, ceci était dirigé vers la Qibla. Donc même tes mains et tes pieds, tous les extrémités de tes membres doivent être dirigées vers la Qibla. Et la main également, comment mettre les mains hors de la salat? Dans les hadiths, c'est venu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam écartait grandement ses bras à tel point qu'on voyait le blanc de ses aisselles. C'est-à-dire, lorsque tu fais salat, ce n'est pas tu mets tes mains tu mets tes mains aux extrémités du visage. Tes mains sont bien écartées, bien espacées. Ça, bien sûr, c'est que lorsque tu fais la salat tout seul. Maintenant, en groupe, c'est un peu plus difficile. Car beaucoup de gens, ils font la salat quand ils se prosternent et ils serrent les mains vers leur visage. C'est-à-dire, comme s'ils collaient leurs mains sur leur visage. Une main du côté droit du visage et l'autre main du côté gauche du visage. Sans laisser d'espace. Alors qu'il faut laisser un grand espace, que les mains sont bien écartées. Les mains doivent être bien écartées. وكذلك جاء مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجهبة وعلى الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, j'étais ordonné de me prosterner sur sept ossements, le front, Ensuite, il indiqua avec sa main son nez, ses deux mains, ses deux genoux et le bout de ses pieds. Toutes ces parties-là doivent être en contact avec le sol. Le front, le nez, les paumes des mains, les genoux et le bout des pieds. Et après la salat, il y a des askar à faire. Le chef nous a pas cité là. Des askar à faire. Comme par exemple, comme cela est venu dans le Sahih de Muslim, son Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait après chaque salat, une fois qu'il a terminé, il fait le tasbir 33 fois, le tahmid, le fait de dire alhamdulillah 33 fois, le takbir 33 fois, le fait de dire Allahu Akbar, cela fait 99. Et il complète le centième dhikr en disant la shahada. En disant la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa ala kulli shay'in qadir. Lui, ses fautes ne seront pardonnées, même si elles sont si nombreuses que l'écume de la mer. Et là également, on parle que cela équivaut au petit péché. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a rapporté, selon Thawban, chez les musulmans, qu'il, lorsqu'il finissait la salat, il faisait istighfar trois fois. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Après, il disait, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta yaza jalal wa l'ikram. Et aussi le takbir était apporté dans le hadith de Ibn Abbas dans le Sahihain. Il disait que nous connaissons la fin de la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam car il faisait le takbir. Et certains ulama ont interprété le takbir comme étant le stighfar. Wa cool. Donc là, ce sont certaines fawaïd qu'on a rajoutées par rapport à la salat. Il y en a plein. Plein de choses qu'on n'a pas citées. Plein de choses à rajouter. Mais cela alourdirait beaucoup l'explication de ce livre. Donc là, on va poursuivre avec ce que l'auteur il a dit. فَقَالَ فِي الْمَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ وَثَمَانِينَ مِنْ أَذْكَارِ النَّوْمِ وَالِاسْتِيقَاظِ عَنْ هُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ بِسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ رواه البخاري. Donc dans le 83e point, parmi les invocations du sommeil et du réveil, c'est-à-dire avant de dormir et en se réveillant, car le musulman fait des askar en tout moment. D'accord ? À tout moment de sa vie, de sa journée, il a des askar qui lui sont assignés. Certains peuvent être obligatoires, d'autres fortement recommandés. Et d'autres permis selon son choix, des moments où cela lui est autorisé. Et d'après Huzaifa, radhiyallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait dormir, il disait, Bismika Allahumma amut wa ahya, qui veut dire, en ton nom, Allah, je meurs et je vis. Car le sommeil a été nommé comme étant, al-maut al-sughra, la petite mort. Yani an al-naum wa akhul maut. Que le fait de dormir, c'est le frère de la mort. Le sommeil, c'est le frère de la mort. Et lorsqu'il se réveillait, il disait, alhamdulillah, الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. Louange à Allah qui nous a fait vivre après nous avoir fait mourir, et vers lui est la résurrection, rapporté par le Bukhari. Donc ces hadiths démontrent bien que le fait de dormir est une forme de mort. D'ailleurs, les gens de Jannah, au paradis, il n'y a pas de sommeil. Il n'y a pas de sommeil, car comme on l'expliquait, le sommeil, c'est le frère de la mort. Et c'est un moment où Allah prend ton âme et l'élève et la renvoie par la suite au réveil. Et s'il veut, il ne la renvoie pas, ce qui amène à ce que des gens meurent dans leur sommeil. Parmi les askar également, donc ça, ce sont les askar cités par le shaykh. Et d'autres très connus ont été apportés, comme chez At-Tirmidhi, selon Uqba ibn Amir, authentifié par l'Albani. Et Annie, parmi les askar du, comme cela fut apporté dans les deux authentiques, Sulub de Mas'ud. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Aleman qara bil ayatayn min akhir surat Bakara fi laylati kafatahu. Que celui qui récite les deux derniers versets de surat al-Bakara lors de sa nuit, elle lui suffit, c'est-à-dire comme protection. Il fut également rapporté que il faut crachoter dans les mains, puis réciter surat al-Ikhlas, qul wallahu ahad, et surat al-Falaq, قل اعوذ برب الفلق et قل اعوذ برب الناس. الناس, ensuite il suit tout ce qui peut de son corps, c'est-à-dire qu'il contacte directement avec la peau, tout ce qui peut toucher de sa peau, qu'il le fasse en commençant par sa tête jusqu'à ses pieds. Il fait cela trois fois, comme cela fut rapporté dans Sahih al-Bukhari, selon Umm Abdillah Aisha, radiallahu anha. Il fut rapporté également dans le hadith de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, al-Muttafaqun alayhi, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Fatima lui a demandé de lui trouver un esclave ou un servant pour l'aider dans les tâches ménagères qui devenaient très pénibles pour elle, il lui a dit quoi, avant de dormir? Subhanallah 33, walhamdulillah 33, wallahu akbar 44. Il a dit que tu dis 33 fois alhamdulillah, plutôt 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah et 34 fois Allahu akbar. Il fut rapporté également selon Abu Huraira le fait de rester ayat al-kursi. Ayat al-kursi dans Sahih al-Bukhari. Il y a plein d'azkar qui ont été cités. Alhamdulillah. Wa ba'da hadha qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala ad fi al-mas'ala arabi'a wa thamanin at-tasmiyatu 'ala at-ta'am wa ad-dalilu hadith Umar ibn Abi Salama anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala lahu ya ghulam sammi Allah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik fa ma zaltu tilka ti'amati ba'du muttafaqun alayhi. Donc dans le 84e point, il dit le tasmiya lors du repas, le fait de nommer Allah, le nom d'Allah avant de manger. Et la preuve, c'est le hadith de Omar ibn Abi Salama, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ô jeune homme, il était encore un enfant, car sa main allait dans le plat quand il mangeait, sa main allait partout dans le plat. Il lui a dit, ô jeune homme, ô mon garçon, ou plutôt, ô jeune garçon, car en fait, dans le, en arabe, il n'y a pas, il y a roulami. Il n'y a rien qui apporte à ce qu'il soit moudof, à ya mutakallim. Yani, la traduction là, elle est à revoir. Elle a dit mon garçon, ce serait plutôt ô garçon ou jeune garçon. À ma mon, il n'y a pas de, il n'y a rien qui indique cela dans le, en arabe. Donc il dit, ô jeune garçon, prononce le nom d'Allah, mange de la main droite et mange ce qui est devant toi. Donc Omar, il a dit, et cela n'a cessé, c'est-à-dire Omar ibn Abi Salama, cela n'a cessé d'être ma façon de manger jusqu'après, jusqu'à la suite. C'est-à-dire qu'il a retenu une fois ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enseignait, il ne l'a jamais oublié. Donc là, on voit la chose importante de nommer Allah avant de manger, et de manger avec la main droite, et de manger ce qu'il y a devant nous. Que la main ne se promène pas dans tout le plat à droite et à gauche. Et ça, parmi les choses justement qui amènent à ce que le musulman nomme Allah, cela empêche Shaitan de manger avec lui. Comme cela fut rapporté dans le hadith de Jabir, rapporté par Muslim, قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجل بيته فذكر الله قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم الليلة فإذا ذكر الله عند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. Que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit que lorsque l'homme rentre dans sa maison et qui se rappelle d'Allah, il dit Bismillah en rentrant chez lui. Et il y a même une version où il passe le salam en rentrant chez lui. Quand il rentre chez lui, il passe le salam. Shaitan il dit à ses partenaires, vous n'avez point de refuge cette nuit. C'est-à-dire, cette maison-là ne vous est pas permise. Et si jamais il se rappelle d'Allah avant de manger, Shaitan dit à ses compagnons, pas de refuge pour vous cette nuit et ni de dîner. Rapporté par Muslim. Et dans un autre hadith rapporté par Huzaifa, قال النبي صلى الله عليه وسلم, إن الشيطان يستحل الطعام لا يذكر اسم الله عليه. Que Shaitan se permet de manger la nourriture sur laquelle le nom d'Allah n'a pas été prononcé. وجاء كذلك من أدب الطعام من حديث ابن عمر عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله رواه مسلم. وقال عن جابر لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. نعم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que si l'un d'entre vous mange, alors qu'il mange avec sa main droite. Et s'il boit, pareillement, avec la main droite. Car Shaitan mange avec sa main gauche et boit avec sa main gauche. Et dans un autre hadith rapporté par Jabir, chez les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne mangez pas que par la main gauche, car Shaitan mange par la main gauche. Et il nous est interdit de ressembler à Shaitan. Donc frère, attention, celui qui mange avec la main droite. Toujours avec la main droite. Wa qala Jabir, رضي الله عنه عند الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. Selon Jabir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que si une bouchée d'entre vous tombe par terre, alors qu'il la ramasse, qu'il essuie tout ce qu'il y a dessus comme saleté, puis qu'il la mange, car sinon c'est le shaitan qui va la manger. Donc, toute chose qui sera amenée à toucher le sol, tant qu'elle est récupérable, il faut la récupérer en l'essuyant et en la mangeant. Sinon c'est le shaitan qui va la manger, ça veut dire qu'on aura contribué à nourrir notre ennemi déclaré. Naam. D'accord, l'al mu'allifu ba'da hadha. في المسألة الخامسة وثمانين أذى الجيران وغيرهم من المسلمين حرام والدليل حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده متفق عليه. Donc il dit dans le 85e point, causer du tort aux voisins et autres que parmi les musulmans est interdit. Et la preuve c'est le hadith de Ibn Amr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le vrai musulman, c'est-à-dire musulman digne de ce nom, c'est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main, rapporté par le Bukhari et musulman. Donc là, c'est un enseignement pour les enfants qui souvent sont amenés à nuire aux gens en jouant. Lorsqu'ils jouent, ils font, par exemple, ils causent des nuisances aux voisins, ils jettent des pierres, ils insultent, ils cassent, ils détériorent. Des choses qui sont très fréquentes chez les enfants, malheureusement. Même chez les adultes, mais là c'était surtout par rapport aux enfants qui ont souvent tendance à faire du mal aux voisins. Et cela est connu par leur manque de raison et par leur manque de prise de conscience des actes qu'ils commettent. Donc les droits du voisin sont extrêmement grands en islam. Et qui plus est, le voisin musulman. Ses droits sont immenses. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, مازال جبريل يوصيني بجار حتى ظننت انه سيرث مني. Que Jibril ne cessait de m'exhorter d'avoir de bons comportements avec le voisin, à tel point que j'ai cru qu'il allait hériter de moi. C'est-à-dire qu'il allait avoir le droit d'héritage. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne nuise pas à son voisin. D'accord ? Qu'il ne nuise pas à son voisin. Et même le kafir, ton kafir, le voisin qui est mécréant, il a un droit sur toi, le droit du voisinage. D'accord ? D'être bienfaisant envers lui, premièrement le conseillant. Alors, appelons l'islam, c'est la première des choses à faire. D'accord ? Et ne pas le nuire, ne pas être injuste envers lui. Bien entendu, il faut appeler au convenable, l'interdit le blâmable dans ce qu'il pourrait faire. En le conseillant de la meilleure des manières. Cela ne veut pas dire de lui montrer de l'amour, mais de la correction. Être correct envers lui. Et les droits des voisins sont des choses qui valent bien plus que bien des adorations. Comme cela fut rapporté dans Al-Adab Mufrad de l'imam Bukhari, authentifié par l'imam Al-Bani, dans le hadith d'Abu Huraira. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a Rasulullah, إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار والعياذ بالله. Qu'il fut dit au prophète صلى الله عليه وسلم que Fulana, une telle, en parlant d'une femme sans que son nom ne soit donné, elle se lève la nuit pour sa salat, elle jeûne la journée, elle fait plein de choses, elle fait des aumônes. Mais cependant, elle nuit à ses voisins par sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Elle n'a pas de bien en elle. Elle fait partie des gens du feu. Donc regardez un peu. Que le fait de faire du mal aux voisins, cela peut rendre vain dans le sens où tes actions ne serviront pas à ce qu'on fasse ton éloge. Tu as beau te lever la nuit, tu auras beau faire ce que tu veux comme adoration apparente, le fait de nuire à tes voisins pourra l'emporter sur tout cela et te causer le feu, la rentrée au feu. Donc de faire très attention. Et le voisin lui rend son droit à ne pas le nuire autant que possible. وقال آخرا في المسألة السادسة وثمانين قال المؤلف حفظه الله تعالى إذا أردت أن تدخل بيتا فاستأذن وسلم قبل دخولك والدليل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخادمه اخرج الى هذا وعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم ادخل وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افشوا السلام بينكم اخرجه مسلم. Donc dans le 86e point, là il apprend quoi? Le fait de demander la permission. Il dit, lorsque tu rentres dans une maison, c'est-à-dire chez des gens, demande l'autorisation en premier lieu et passe au salam avant de rentrer. Car on connaît beaucoup d'enfants qui malheureusement rentrent, ils frappent à la porte et ils rentrent directement sans saluer et sans rien du tout. Et ça c'est très fréquent chez les enfants. Donc là il enseigne comment se comporter dans ce genre de situation. Donc la preuve, c'est la parole d'Allah dans le sens où il dit « Oh, vous qui croyez, n'entrez pas dans les maisons autres que les vôtres jusqu'à ce que vous demandiez l'autorisation et que vous saluiez ses occupants. » Et d'après un homme parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a dit à son domestique, sort vers lui, c'est-à-dire un homme qui est rentré et qui n'a pas passé le salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à son domestique, sort vers lui et enseigne-lui la demande de permission et dis-lui que la « Salam alaykoum » puis-je rentrer? Et selon Abu Huraira, radhiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, propagez le salam entre vous, rapporté par muslim. Donc là, il nous apprend quoi? Ce qu'on appelle l'istizan. Demander la permission avant de rentrer. Et, comme cela est venu dans Muttafaqun alayhi, dans le hadith de Abu Musa Marfu'an, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'istizan thalathan, fa'in aznalak wila farja. Quand on demande la permission trois fois, quand tu viens chez quelqu'un, tu frappes trois fois à sa porte, par exemple, tu sonnes à sa porte, trois fois. S'il ne te répond pas, tu t'en vas. Pas la peine d'insister. Comme des gens, ils font, ils viennent frapper à ta porte, et ils frappent. Peut-être que tu es en train de dormir, peut-être que tu es occupé, peut-être que tu ne veux pas lui ouvrir, ils insistent. Ils frappent. Et ça, c'est un mauvais comportement. Également, parmi les choses que le mustazin doit faire, celui qui demande la permission, kamaja anjabir, متفقون عليه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الدين كان على أبي في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا كانوا كره ذلك. Que selon Jabir, il dit que je suis rentré auprès du prophète صلى الله عليه وسلم, j'ai frappé à la porte et il dit qui? J'ai dit c'est moi. Et il dit moi, d'une façon comme si cela le répugnait. Donc celui qui frappe à la porte, qu'on demande qui c'est, il donne son nom. Et cela également a été démontré dans le hadith, lorsque Jibril est monté au ciel avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les portiers lui disaient « Man » Il disait « Ada Jibril »« Wa man ma'ak »« Qala ada Muhammad »« Awa ursila ilhi »« Qala na'am » Lorsque Jibril est monté au ciel, les portiers lui disaient « Qui est-ce ?» Il disait « C'est Jibril »« Est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi ?» Il disait « Na'am Muhammad » Donc le comportement, ce qu'on demande qui c'est de donner ton nom et pas dire « Moi » ou « Ouvre » comme des gens y font. Tu frappes à la porte. Tu dis man, écoute, iftah, tout de suite, ouvre la porte. Même si c'est ton fils, tu connais sa voix, tu sais que c'est lui, tu lui enseignes à dire son nom. Comme ça, il le fera chez tout le monde, dit Allah Ta'ala. Et il évoqua également la masala du salam, le fait de passer le salam. Car le fait de passer le salam, c'est une cause d'amour entre les musulmans. Beaucoup d'enfants passent devant les gens, ne passent pas le salam. Donc là, le shir a incité à cela, à ce que l'enfant apprenne à passer le salam. Ce n'est pas obligatoire, ce qui est obligatoire, c'est de le rendre. Parce qu'on te passe le salam, tu dois le rendre comme encore le Ta'ala. Ou ils aient huyitum, bi tahiyatin, fa hayyu bi asana minha, ou rudduha. Que si jamais vous êtes salué d'une salutation, alors rendez par meilleur, ou alors rendez la même. Donc le fait de rendre le salam est une obligation. Lorsque quelqu'un te passe le salam, tu dois le rendre le salam. Naam. Donc là, aujourd'hui, on a pris 4 masa'il qui sont les invocations avant de dormir et au réveil, de manger, avant de manger, de nommer Allah subhanahu wa ta'ala, de manger avec la main droite et de manger ce qu'il y a devant nous. On a appris également le fait qu'il ne faut pas nuire aux voisins et autres parmi les gens. De façon générale, on ne doit pas nuire aux gens, même les mécréants, on ne doit pas leur nuire. Et quatrième point, le fait de demander la permission avant de rentrer quelque part et également de passer le salam. Naam. Fabien Dalkod al-Naktafi, subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.